Bonjour, vous écoutez toujours CKRL sur Futur Simple sur CKRL au 89.1 et je pense qu'on a une drôle d'activité en ce moment-là dans le studio à Futur Simple. Il y a plein d'étranges animaux que oui. Mélanie est venue nous présenter. Oui. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Ben oui, on a plein d'invités aujourd'hui. C'est dommage que vous ne voyez pas parce que là, j'ai un reptile dans les mains. C'est un gecko léopard. Puis j'ai un invité qui a deux serpents. Et en fait, c'est aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la phobie et des préjugés envers les reptiles, parce que c'est quelque chose d'assez connu. C'est une même, on pourrait dire, la phobie les plus répandues. C'est probablement parce que la raison principale, peut-être, c'est que les gens disent toujours « Ah, un serpent, c'est venimeux, on peut mourir si on se fait mordre. » Donc, chez plusieurs personnes, le reptile va vraiment déclencher une réaction de panique et même d'aversion, c'est chez certaines personnes. Mais même si c'est pas tous les reptiles qui sont mortels, la morsure de serpent va quand même nécessiter des soins médicaux assez urgents, même si c'est pas venimeux. Donc, c'est une peur qui, on pourrait dire, qui est naturelle. Puis ça fait même, ça semblerait partie de notre instinct de survie. Il y a une étude américaine même qui disait que la peur des serpents est même inscrite dans notre ADN. Mm-hmm. Donc ça se transmet depuis toujours, depuis des temps immémoriaux. Mais cette phobie tire non seulement ses origines d'une peur qui est innée, mais surtout de préjugés qui sont véhiculés oui. depuis longtemps. Et je pense que c'est un peu en partie en raison de notre héritage culturel et religieux. Et donc, pour essayer de démystifier un peu ce phénomène-là et d'en apprendre plus, j'ai le plaisir de recevoir pour ma chronique Nicolas Brulotte, qui est un organisateur de l'exposition Espace Reptile, qui se tient ce samedi 9 février au Collège Mérissy. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à Futur 5. Un plaisir. Durant cette exposition, j'imagine qu'il va y avoir de nombreux passionnés de reptiles qui vont venir, mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que ça peut être l'occasion pour des gens de se guérir de leur phobie des reptiles? Ben, c'est la principale raison de l'exposition, c'est de l'éducation. On est là pour présenter les animaux, on est beaucoup d'exposants sur place, on est là pour montrer la beauté de ces animaux-là, enlever toutes les fausses croyances, les légendes urbaines qu'on peut entendre, ou bien tout ce que le monde a comme idée folle par rapport à ça. On est là pour leur montrer que c'est des animaux tout ce qu'il y a de plus ordinaire comme n'importe quel autre. Puis, en tout cas, quand on les voit là autour de votre cou, ça n'a pas l'air méchant. Hein? Ben non. Ça ne l'est pas non plus. Je l'ai brièvement mentionné au début que la peur, ça découle un peu de notre héritage culturel et religieux. Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Ben, c'est sûr que c'est vaste. Hein? Côté religieux, c'est sûr qu'on pense, bon, on fait un petit quiz, Samaël. Est-ce quelqu'un qui se rappelle de son petit catéchisme, savoir qui était Samaël dans la Bible? Ça ne semble pas être un nom très gentil. Samaël, c'est le serpent qui a corrompu Ève dans le Jardin d'Éden. Okay. C'est juste montrer un exemple. Si on va à l'église, on en regarde, mettons, la statue de la Vierge Marie, elle pile sur quelque chose. Fait que le prochain coup, vous allez faire votre partie de Noël, vous allez à Noël à l'église, vous regarderez, elle pile sur un serpent. Parce que dans la religion catholique, le serpent est comme un peu le méchant. C'est le malin, c'est le vilain. C'est quelque chose de mauvais en soi. Si on va au niveau des films, ben là on va vaste anaconda, serpent à bord avec Samuel oui. L. Jackson. Le serpent, c'est toujours quelque chose qui se promène, qui rampe, puis qu'à la première occasion, il va sauter 10 pieds, puis il va aller avaler à peu près n'importe qui va passer dans le coin. Ça, c'est, pour moi, c'est particulièrement drôle de regarder des films comme ça, là, mais pour la majorité du monde, ils prennent ça quasiment pour du cash. Oui, parce que c'est loin de la réalité, en fait. On leur donne des qualités qu'ils n'ont pas du tout. Là. Non, c'est ça. Là, vraiment tout le contraire. Là. Même si on y va au niveau de la physionomie, au niveau du cerveau du reptile, ben quand on prend le temps de le regarder un peu, de faire une recherche, on va se rendre compte que c'est des animaux qui vivent par instinct plus que par autre chose. Parce que ils ont juste le cerveau reptilien. Puis le cerveau reptilien, ben c'est le cerveau de survie, c'est le cerveau de manger, boire, se reproduire. Et pour l'information générale, nous aussi avons ce cerveau-là, mais on a en plus le cortex, les hémisphères et tout ça qui vont avec. Eux ont que ce cerveau-là, d'où vient le nom de ce cerveau-là aussi. Donc, s'il y en a qui disent que les serpents mordent les humains par vengeance, c'est tout à fait faux. Non, c'est ça, là. Ils n'ont pas d'émotion en soi. Là. Eux autres marchent par leur instinct. C'est sûr que si tu agresses un animal, il va réagir, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a aucune raison. Comme vous voyez en studio, là, on a trois spécimens. Puis, ils sont assez tranquilles. C'est ça d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Dans le coup, en ce moment, j'ai une petite femelle boa constrictor. Boa constrictor. À peu près un an. Elle n'a pas l'air de constricter grand-chose. Ça vit où, ça? Ça, on va la retrouver en Amérique, à peu près partout en Amérique centrale, Amérique du Sud. Là. OK. Après ça, l'autre qui est rendu sur ton ordinateur, Mélanie, ça se trouve être un serpent laitier qu'on va retrouver aux États-Unis. Puis celui que tu as dans les mains en ce moment, c'est un gecko léopard. OK. D'ailleurs, c'est quoi les espèces qu'on peut retrouver durant l'exposition? C'est excessivement vaste, mais tellement vaste que je pourrais même pas savoir exactement toutes les espèces qui vont être présentes, parce qu'on parle d'une vingtaine d'exposants qui vont être sur place, et c'est leurs bêtes à eux autres qui vont amener. Donc, chacun va amener une dizaine de bêtes d'habitude dans ces coins-là, fait qu'il y a vraiment une possibilité de voir les bêtes du monde, puis en plus, les personnes présentes connaissent leur animal. Mais c'est sûr qu'on peut parler vite. On a des très gros spécimens comme des pitons birmans, albinos, qui vont faire d'un 16 pieds de long. J'ai une tortue sulcata qui fait une cinquantaine de livres sur place. Plein de choses comme ça, là. Anaconda. Plein d'espèces qu'on voit pas nécessairement sur tous les coins de rue, là. Oui. C'est pas des espèces qui doivent se vendre beaucoup en animalerie non plus. En fait, oui. À peu près tout ce que vous allez trouver sur l'exposition, c'est des animaux qui peuvent être gardés en captivité légalement au Québec. Okay. Il y a certains spécimens que non, parce que certains exposants présents vont avoir des permis zoologiques. Okay. Fait que pareil, comme un permis de zoo, pour avoir certaines espèces, quand là, on parle de serpents venimeux, justement, ou de caïmans, ou choses comme ça. Okay. Mais sinon, la majorité des espèces présentes sont des espèces qui sont légales à garder au Québec. Mais c'est sûr que je ne recommande pas nécessairement toutes les espèces à tout le monde. Non. Ouais, parce que ce qui est venimeux, en fait, c'est interdit. C'est ça. Tout ce qui est les alligators, les caïmans, les choses comme ça, tout ce qui est serpent ou lézard venimeux, on n'a pas le droit de garder ça au Québec. C'est bien correct comme ça, ben aussi. Oui. C'est à peine 20% de toutes les espèces qu'ils sont, fait que ça donne un bon 80% d'autres espèces qui ne le sont pas. Donc, on a un moyen de s'amuser en masse avec ces espèces-là. Là. Bon, d'ailleurs, tu réponds à la question que je me demandais, c'était la majorité qui était venimeuse ou non, pas. Non, vraiment pas. Donc, c'est un autre préjugé qui font en sorte que les gens ont peur de ça parce qu'ils pensent que tous ces animaux-là sont venimeux, et les serpents particulièrement. Là. C'est sûr qu'au niveau des proportions, ça dépend si on se déplace dans certains pays. C'est sûr que, mettons, je veux dire, on va en Afrique en général. OK, oui, la proportion augmente. Là. C'est un pays où c'est que là, je te dirais, fais plus attention un peu avec quel animal tu décides d'aller manipuler ou des choses comme ça. Puis, de toute façon, c'est jamais préférable d'aller manipuler des espèces en nature. Mais c'est sûr qu'au Québec, mettons, ben, je comprends pas que quelqu'un puisse avoir peur de nos reptiles et de nos amphibiens qu'on a ici, car on a absolument rien d'agressif, ni de dangereux, ni de venimeux. Puis tout ce qu'on a, la majorité, comme les couleuvriers ou des choses comme ça, ben c'est au contraire, si vous envoyez sur votre terrain ou des choses comme ça, c'est très bon, ça détruit la vermine, ça mange les mulots ou les choses comme ça. Fait que laissez-les là, puis continuez à faire vos affaires. Ils devraient s'en aller, ils ne devraient pas vous chercher des problèmes. Là. Puis, une chose, je crois aussi, que vous essayez de véhiculer dans ces expositions-là, c'est non seulement d'essayer de briser ces préjugés-là, mais aussi de rendre les gens peut-être plus conscientisés à si jamais vous avez un reptile puis que vous n'êtes pas capable de vous en occuper, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, ben c'est sûr que là, la manière la plus simple, moi je vous dirais que c'est vite comme ça, c'est soit vous pouvez aller sur le Facebook de l'Association herpétologique de Québec, où vous écrivez un mot à l'association et là on va vous recontacter pour venir chercher l'animal. Il y a aussi la SPA qui travaille aussi en collaboration avec nous pour les reptiles, vu qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les qualifications requises avec les animaux. Ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration avec eux autres. Là. Et puis, je crois que ça arrive souvent que vous avez des cas assez spéciaux. Hein? Vous allez chercher je crois une fois, il y a la police qui vous avait appelé pour aller chercher un serpent. Ah, celle-là au Parc Victoria, ouais. C'est des histoires comme ça qui surviennent une fois de temps en temps. Là, la sûreté nous contacte pour justement un serpent qui a été retrouvé. Ça se trouve être dans un garage où c'est qu'ils font les saisies, en fin de compte. Fait que probablement que dans une saisie qu'il y a eu de meubles ou de choses comme ça, il y a un petit boa constricteur qui était probablement quelque part dans les meubles. Et puis... ils l'ont trouvé, là. Ils l'ont trouvé, mais c'est ça, en mois de décembre, dans un garage pas chauffé, il y avait de la misère, le petit pit, là. Il était magané, là. Mais il a bien repris, puis on a réussi à retrouver une bonne famille par la suite, là. Ouais, c'est ça qui est bien, au moins, que c'est vous pouvez récupérer ces animaux-là qui finissent par avoir une meilleure vie pas mal que ce qu'il y avait avant. Les reptiles ont un grand avantage, c'est qu'ils sont vraiment très tough. Fait que souvent, même si le monde va leur donner quelques mauvais jours, souvent quand on va les reprendre, même s'ils sont maganés, on va réussir à les remettre sur pied, là, quand même assez rapidement. Là. Je me pose des questions aussi, parce que c'est quand même assez beau. Hein? Là, oui. celui qui est en train de se retrouver sur mon ordinateur, hein, il est quand même assez joli. Et est-ce qu'il y a du braconnage, ou ben, comme il y a des fois pour les oiseaux, les beaux oiseaux, là, Oui, c'est sûr qu'il y a du prélèvement en nature. Prélèvement c'est une des premières choses qu'on essaie de sensibiliser le monde au, à ce niveau-là. C'est que de nos jours, les reptiles, on est capable d'avoir des éleveurs. Fait que si vous voulez avoir un serpent laitier comme celui-là que vous avez dans les mains, ou un boa constricteur, ou un gecko léopard, par internet, des choses comme ça, ou bien directement sur le show vend pas, mais il y a des possibilités de rentrer en contact avec des éleveurs. Si vous êtes intéressé d'avoir des animaux comme ça, ben c'est un autre, un très bon moyen. Mais il y a une surveillance, normalement, là, pour pas aller prélever en nature des espèces qui seraient menacées, par exemple. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr qu'avant, je veux dire, on en revient une vingtaine d'années, c'était bien à la mode. Crocodile Dundee, le monde avait le chapeau, puis avoir plein de choses comme ça. Le manteau, les bottes, la sacoche en peau de serpent. Heureusement, nos toujours les importations de peau aussi, des choses comme ça, sont, t'as plus le droit de faire des choses comme ça, fait que ça l'aide beaucoup à sauver des populations, parce que les reptiles en général, je pense que c'est les derniers animaux que le monde va penser à vouloir sauvegarder, bien souvent là. On va penser aux oiseaux souvent, tout le monde trouve ça plus cute, les mammifères, des choses comme ça, mais on va arriver avec les amphibiens, les reptiles, puis on dirait que le monde va c'est pas si grave que ça. Pourtant, ils étaient là bien avant pas mal tout le monde, puis ils ont vraiment un rôle à jouer dans leur écosystème. Puis si on les enlève, c'est pas des animaux qui sont quand même capables de se localiser facilement. Là. Mais, d'ailleurs, je pense, tu me le diras si je me trompe, mais il y a sûrement beaucoup d'espèces de reptiles que dans leur pays d'origine, c'est illégal de les prélever en nature. Là. Ça doit être en bonne majorité ça. Oui, il y a plusieurs pays qui vont avoir des... à cette heure, il y a les CITES qui sont présents justement pour aider certaines espèces qui sont vulnérables. Si on parle comme l'Australie, des choses comme ça, où justement le prélevage ou bien l'exportation de ces animaux-là vont être interdits. Sur des pays plus pauvres vont continuer à le faire. Je ne veux pas, c'est un moyen de faire de l'argent. Une place qui est très... on se pose des questions ces temps-ci beaucoup, c'est au niveau de Madagascar, des choses comme ça. Donc, très belles espèces de geckos, des caméons, des choses comme ça, mais malheureusement, et on se rend compte que l'île n'est pas si grosse que ça, puis à force d'importer, d'exporter tous les animaux, on peut se ramasser avec des problèmes de plus trouver ces espèces qui étaient endémiques de ces îles-là, tout simplement. Là. Oui, puis il y a des très beaux spécimens qui viennent de là, d'ailleurs, là, parce que c'est unique au monde. Hein? C'est ça. Fait qu'il doit y avoir une demande assez importante, là, j'imagine. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on envoie de moins en moins d'imports qui vont se faire de ce niveau-là, mais on espère à un moment donné que ça puisse s'arrêter, puis qu'au niveau justement des reproductions, des choses comme ça, ce soit capable de convenir à la demande qui pour ces animaux-là. Là. Puis, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. On va manquer de temps, malheureusement, mais c'est vraiment très gentil de nous avoir amené tes amis à Écailles. C'est vraiment passionnant. Oui, oui, c'est fascinant, en fait, de les voir donc, se dérouler. J'invite tous les passionnés de reptiles et ceux qui ont envie de se guérir de leur phobie d'aller au Collège Mérici samedi, le 9 février, pour l'exposition Espace Reptile. Toute la journée, à partir de 9h jusqu'à 4h30. Fait que stationnement gratuit, ça coûte 8$ pour les adultes, 5 pour les enfants de 5 à 12 ans et en bas de 5 ans, c'est gratuit. Fait que venez nous voir, venez nous rencontrer, prenez le temps de venir nous parler, vous allez voir, vous allez découvrir tout un monde. Puis, très particulier et très sympathique aussi. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Merci, Mélanie. De rien. Et maintenant, on va enchaîner sur une pause musicale et vous écoutez toujours CKRL au 89.1.